Dossier 2. Première partie. Quel buffet ? Un camion de déménagement est arrêté sur la place. Un gros buffet est sur le trottoir. Corinne parle avec l'un des déménageurs. Raymond s'approche d'eux. Bonjour, madame Lemoine. Doucement. Alors, elle vous plaît, cette maison ? Oui, oui, elle a beaucoup de charme. Dites, vous avez un beau buffet. Oui, il était à ma grand-mère et j'y tiens beaucoup. Mais il y a un problème, pour qu'il passe par la porte, il faut le démonter et ça, pas question. Il ne passe pas par la porte, il ne passe pas par la fenêtre et vous ne voulez pas qu'on le démonte. Et moi, je ne suis pas le bon Dieu. Et pourquoi vous ne voulez pas le démonter ? Mais parce qu'il a plus de 100 ans et que je ne veux pas qu'on l'abîme. Joseph arrive. Il a raison, madame Lemoine. C'est fragile, ces vieux meubles. Tu retires la porte, les côtés, une planche, une deuxième, et il tombe en morceaux. Et après, il te reste du petit bois pour allumer le feu. Il faut toujours que tu exagères et que tu fasses peur aux gens. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de coucher ici. Alors, vous prenez une décision. Ou je le laisse dehors, ou je le démonte. Un nouveau personnage, François, se joint au groupe. Il est bien beau, votre buffet, mais j'ai peur qu'il ne passe pas, même sans les portes. Heureusement que tu le dis. On s'en était pas aperçu. Et pourquoi vous ne passez pas par chez Angèle ? Et après, vous passez par les terrasses. Finalement, c'est peut-être bien que tu sois là. François appelle la voisine. Angèle ! Angèle ! Hey, bonjour, François. Bonjour, Angèle. Est-ce que tu peux rendre un petit service à madame Lemoine ? Mais avec plaisir ! Qu'est-ce que je peux faire ? Pour qu'on rentre le buffet sans le démonter, il faut passer par chez toi. Devant, ça passera pas. Mais par derrière, pas de problème. Je descends, hein ? Le déménageur, François et Bernard soulèvent le buffet. Angèle est inquiète. Attention, hein ! Doucement, hein ! Attention ! Oh là là là là là là. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. Je ne sais pas si j'ai eu raison de les laisser passer par ma terrasse, pourvu qu'ils ne cassent rien. Finalement, ce buffet, je ne pense pas qu'il aille avec le style du pays.